Chapitre 6. Le cochon qui éternue et le chat qui rit. Au seuil de la maison, elle s'arrêta, indécise, et comme elle hésitait à sonner, quelqu'un la devança qui frappa discrètement à la porte. C'était un fort beau poisson costumé en valet de pied à livrée galonnée. La porte s'ouvrit et donna passage à un autre domestique. Une grenouille cette fois, qui de même que le poisson portait par-dessus sa tête ronde et ses yeux énormes une perruque bouclée et poudrée. Le laquais poisson prit sous son bras une grande lettre, presque aussi grande que lui, et la tendit à son collègue en disant d'un air solennel « Pour Madame la Duchesse, une invitation de Sa Majesté la Reine à une partie de croquet. » Le laquais grenouille tendit les deux mains pour recevoir dignement la lettre royale et répéta « De la part de Sa Majesté la Reine, une invitation pour Madame la Duchesse à jouer au croquet. » Puis les deux valets s'inclinèrent très bas l'un devant l'autre et leurs perruques se touchèrent. Cela amusa tellement Alice que, prise d'un fou rire, elle fut obligée de se réfugier à quelque distance pour ne pas être entendue. Quand elle se sentit soulagée, elle revint et constata que le laquais poisson avait disparu. Quant à l'autre, il était là, assis par terre, près de la porte, les mains croisées sur un genou, les yeux fixés au ciel. Alice avança timidement et se risqua à sonner. Il est absolument inutile de sonner, déclara le laquais, et cela pour deux raisons. La première, c'est que je suis du même côté de la porte que vous. La seconde, c'est qu'on fait tellement de bruit là-dedans qu'on ne vous entendra sûrement pas. Il arrivait en effet de l'intérieur de la maison un bruit extraordinaire. C'était une suite ininterrompue de petits cris et d'éternuements accompagnés de temps en temps d'un grand fracas, comme si un plat ou une bouteille s'écrasait sur le plancher. « Vous eussiez eu quelque raison de sonner, » continua le laquais. « Par exemple, si nous avions été, moi d'un côté de la porte, vous de l'autre. Si j'avais été à l'intérieur, vous auriez sonné et je vous aurais laissé dehors, comprenez-vous ?» Et tandis qu'il parlait, il continuait à fixer le ciel d'une façon qui paraissait à Alice tout à fait insolente. « Ce qu'il me dit là, » pensa la petite fille, « me donne à croire qu'il se moque de moi, mais quant à sa façon de regarder en l'air, il ne faut pas que j'oublie qu'il n'a pas de front et que ses yeux sont plantés à peu près au sommet de sa tête. « Comment faut-il s'y prendre pour entrer dans cette maison ?» demanda Alice. « Je resterai assis là jusqu'à demain, » fit le laquais en manière de réponse. Comme il achevait cette déclaration, la porte s'ouvrit brusquement, une assiette fendit l'air, rasa son nez et alla se briser en mille morceaux contre un arbre devant lui. La porte s'était déjà refermée. Ou peut-être même jusqu'à après-demain, dit encore le laquais sur le ton le plus calme. Voyons, s'écria Alice, je veux entrer dans cette maison, ouvrez-moi. Mais d'abord, demanda le laquais, y devez-vous entrer? Cette question me semble importante. Ah, pensa Alice, la façon dont raisonnent ces gens-là est vraiment insupportable. Il y a de quoi avoir une crise de nerfs. Oui, oui, dit le laquais. Je resterai ici vraisemblablement une petite semaine. Et alors? Demanda Alice. Que vais-je faire, moi? Oh, ce qu'il vous plaira, répondit le laquais, et il se mit à siffler un petit air. Il n'y a rien à tirer de cet animal, se dit Alice. Il est tout à fait idiot. Au lieu de sonner, de frapper, de questionner cet imbécile, je ferais bien mieux de voir si la porte est fermée à clef ou si elle ne s'ouvre pas de l'extérieur. Elle tourna le bouton, poussa, et la porte s'ouvrit le plus simplement du monde. Alice se trouva tout de suite dans une vaste cuisine qui était pleine de fumée. La duchesse était assise au milieu de la pièce sur une petite chaise de nourrice. Elle donnait à téter à un bébé. La cuisinière était affairée à ses fourneaux et tournait la soupe dans une immense marmite. « Il y a certainement trop de poivre dans cette soupe, » remarqua Alice entre deux éternuements. L'air en était effectivement saturé. La duchesse et l'enfant ne cessaient d'éternuer. Il n'y avait que la cuisinière qui n'éternua pas, et aussi un gros chat qui était assis dans un coin et dont la bouche riait jusqu'aux oreilles. Alice, ne sachant trop si c'était bien à elle de parler la première, eut quelque timidité à demander à la duchesse « Pardon, madame, pourriez-vous me dire pourquoi votre chat ricane comme cela ?»« C'est un chat de Chester, » dit la duchesse. « Voilà la raison de sa gaieté. » Et elle ajouta en manière d'exclamation « Petit cochon !» Cela fut lâché avec une telle soudaineté qu'Alice en sursauta. Elle ne fut rassurée que lorsqu'elle s'aperçut que la duchesse parlait au bébé. Elle pensa que c'était là un petit mot d'amitié et continua la conversation, tout heureuse d'avoir trouvé un sujet. « Je ne savais pas que les chats de Chester riaient de la sorte, et même, à vrai dire, je ne savais pas que le chat en général pouvait rire. »« Il le peut, » dit la duchesse. « Je n'en connais pas un qui ait ce don de rire, » avança Alice, fort poliment d'ailleurs. « Eh bien, cela prouve que vous n'en connaissez pas beaucoup, » conclut la duchesse d'un ton plutôt désagréable. Alice jugea que la conversation n'avait plus de chance de se maintenir. Elle cherchait quelque nouveau sujet qui pût plaire à la duchesse quand il se passa cette chose extraordinaire. La cuisinière attrapa tout ce qui lui tomba sous la main et le lança comme une furie sur le groupe formé par la duchesse et l'enfant. Une pluie de casseroles, de plats, d'assiettes, d'ustensiles de cuisine, enfin, s'abattit ainsi sur le plancher. La duchesse reçut la dangereuse averse sans bouger, comme si de rien n'était. Quant à l'enfant, il hurla ni plus ni moins qu'auparavant, c'est-à-dire comme un possédé. Alice, stupéfaite, évita tant bien que mal les projectiles, ne cessant de crier « Assez ! Assez ! Mais vous perdez la raison !» Et, à un certain moment, elle se précipita pour arrêter de la main une énorme casserole qui descendait en droite ligne sur le nez du bébé. « Oh, son pauvre petit nez !» dit Alice, tout émotionnée. Mais la duchesse fit entendre un étrange grognement et prononça « Si chacun s'occupait de ce qui le regarde, la terre tournerait plus aisément et plus vite. »« Cela ne nous avancerait pas à grand-chose, » répondit Alice, enchantée de trouver une occasion d'étaler ses connaissances. « Songez aux complications que cela entraînerait entre le jour et la nuit. Vous savez que la terre met 24 heures pour tourner autour de son axe. » « À propos de H, » fit la duchesse qui avait mal entendu, « qu'on lui coupe la tête !» En anglais, « axes » et « axes » signifient « axe » et « H » et se prononcent à peu près de la même façon. Alice se demanda si c'était de sa tête à elle qu'il s'agissait. Mais comme il n'y avait là que la cuisinière qui put exécuter l'ordre de la duchesse, et que cette honnête femme était très affairée autour de ses fourneaux, elle fit mine de ne pas avoir entendu la terrible interruption et continua. « C'est 24 heures, je crois. »« Oui, 24 heures. »« Ou 12 ?»« Oh !» s'écria la duchesse. « Donnez-moi la paix ! J'ai horreur des chiffres !» Et là-dessus, la grande dame, tout en allaitant son bébé, se mit à chanter une espèce de berceuse plutôt brutale dont elle ponctuait chaque vers d'un violent coup de pied sur le plancher. « Parlez sévèrement à votre petit garçon et donnez-lui le fouet quand il éternue. Il pourrait très bien ne pas éternuer s'il voulait prendre la peine de se retenir, et il éternue tout simplement pour vous être désagréable. » À quoi le cœur composé de la cuisinière et de l'enfant ajoutait « Ouh ! Ouh ! Ouh !» La duchesse attaqua le deuxième couplet en secouant l'enfant de toutes ses forces comme un vrai prunier. « Je parle sévèrement à mon garçon, je le fouette quand il éternue, car il peut fort bien s'accommoder de l'odeur du poivre quand il veut. » Le cœur, « Ouh, ouh, ouh !»« En voilà assez !» fit la duchesse. « Il faut que j'aille m'habiller pour jouer au croquet avec la reine. Tenez » ajouta-t-elle en jetant l'enfant dans les bras d'Alice. « Vous pouvez le tenir un moment, si vous voulez. » Elle sortit précipitamment de la cuisine, et au moment où elle allait disparaître, la cuisinière lui lança à la tête une poêle à frire, qui manqua le but d'ailleurs fort heureusement. Alice prit l'enfant, mais elle eut toutes les peines du monde à le maintenir, car c'était un étrange petit être qui agitait bras et jambes avec une violence peu commune. Il ronflait, grognait plutôt comme une bête, et avait des soubresauts terribles. Alice, l'ayant solidement empoigné par l'oreille droite et le pied gauche, le porta dehors afin de le soustraire au mauvais traitement de la duchesse et de la cuisinière. « Si je ne conduis pas cet enfant loin d'ici, pensa-t-elle, on va sûrement le tuer. » Le petit être grogna de satisfaction quand il se sentit à l'air libre. « Ne grognez pas, lui dit Alice, ce n'est pas là une aimable façon de s'exprimer. » Mais les grognements succédèrent aux grognements. Tant et si bien que notre héroïne en vint à se demander si c'était bien un être humain qu'elle tenait là dans ses bras. D'autant que le grogneur avait un nez fort long et retroussé, des oreilles pendantes et des yeux tout petits, petits. « Si vous vous métamorphosez en cochon, dit Alice sérieusement, je vais vous planter là. » Nouveau grognement, et si formidable celui-là, qu'Alice en fut épouvantée. Elle regarda d'un peu plus près la physionomie de son compagnon. Plus d'erreur cette fois, ce compagnon était bel et bien un petit cochon. Alors, elle le déposa à terre, pensant avec raison qu'il eût été absurde de le porter plus longtemps, et elle fut bien soulagée quand elle le vit s'en aller en trottinant et disparaître dans le bois voisin. « Certes, se dit Alice, cela eût fait un enfant terriblement laid, mais au fond, comme cochon, il est plutôt joli. » Elle était à peine remise de cette étrange aventure quand le chat de Chester lui apparut tout à coup, tranquillement assis sur une branche d'arbre en face d'elle. L'animal riait comme d'habitude. « Il paraît avoir bon caractère, se dit Alice. » Et comme il avait aussi des dents et des griffes fort respectables, elle pensa encore qu'il valait mieux être en bon terme avec lui. « Chat de Chester, dit-elle avec respect, voudriez-vous me dire quel chemin je dois prendre pour sortir d'ici ? Cela dépend dans une grande mesure de l'endroit où vous voulez aller, dit le chat. « Je ne me soucie guère de cela, fit Alice. « Alors, reprit le chat, peu importe le chemin que vous prendrez. « Encore faut-il que j'arrive quelque part, observa Alice. « Oh, vous arriverez toujours quelque part, assura le chat. Alice comprit qu'il y avait là une vérité absolue. Alors elle passa à une autre question. « Quelle sorte de gens vivent par ici ? Demanda-t-elle. « De ce côté, indiqua le chat en allongeant sa patte droite, habite un chapelier, et de ce côté, il allongeait sa patte gauche, habite un lièvre de Mars. Allez voir qui vous voudrez, ces deux personnages sont également fous. »« Mais je ne veux pas aller chez des fous, répliqua Alice. « Ah, dame, dit le chat, il n'y a pas le choix. » « Nous sommes tous fous ici. »« Je suis fou. »« Et vous aussi, vous êtes folle d'ailleurs. »« Qu'en savez-vous ? » fit Alice. « Oui, vous devez être folle, » insista le chat. « Si vous ne l'étiez pas, vous ne seriez pas venue par ici. »« Mais vous-même, comment savez-vous que vous êtes fou ? Un chien, ce n'est pas là un animal fou, n'est-ce pas ? Vous admettez qu'un chien n'est pas un fou ? Sans doute. Eh bien, considérez le chien. Il gronde quand il est en colère et il remue la queue quand il est content. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. Mais cela ne s'appelle pas gronder, cela s'appelle gentiment ronronner. Appelez-le comme il vous plaira, je m'en moque, conclut le chat. Et il ajouta, « Jouez-vous au croquet avec la reine aujourd'hui ?»« Je voudrais bien, avoua Alice, mais je ne suis pas invitée. »« Vous m'y verrez, » dit simplement le chat, et il disparut soudain. Alice ne s'étonna pas outre mesure de cette disparition. Plus rien n'étonnait d'ailleurs notre amie. On s'habitue à tout, même à l'extraordinaire. « À propos, » fit une voix à côté d'elle, et qu'elle reconnut pour être celle du chat. « Qu'est-ce qu'est devenu l'enfant ?»« Il est devenu un cochon, » répondit tranquillement Alice. « Ah, c'est bien ce que je pensais, » dit le chat qui disparut de nouveau. Alice se dirigea vers la maison du lièvre de Mars. « J'ai déjà vu des chapeliers, » pensa-t-elle. Le lièvre de Mars sera beaucoup plus intéressant. Et puis, comme nous sommes en mai, peut-être sera-t-il un peu moins fou que si nous étions en mars. Comme elle se faisait ce judicieux raisonnement, le chat de Chester lui apparut une fois encore dans les branches d'un arbre. « Avez-vous dit cochon ou bouchon ? » demanda-t-il. « J'ai dit cochon, » répondit Alice. « Mais je voudrais bien que vous accomplissiez vos apparitions et vos disparitions un peu moins brusquement, car vous me donnez le vertige. »« Avec plaisir, » consentit le chat le plus aimablement du monde. Et il disparut cette fois tout doucettement, petit à petit. C'est-à-dire que le bout de sa queue disparut d'abord, puis son corps, puis sa tête, et enfin sa bouche dont, ô miracle, le sourire subsista encore quelque temps après que tout le reste se fût évaporé. « Ma foi, » songea Alice, « j'ai souvent vu des chats avec une bouche qui ne riait pas, mais une bouche de chat qui rit sans qu'il y ait de chat, c'est bien la chose la plus curieuse que j'ai vue de ma vie. » La maison du lièvre de Mars avait d'étranges cheminées en forme d'oreilles, et le toit, en guise de chaume, était recouvert de fourrure. C'était une demeure de grande dimension, et Alice crut sage, avant de trop s'en approcher, de manger un peu du morceau de champignon côté gauche, afin de donner à sa taille quelques centimètres de plus. Et encore ne franchit-elle le seuil de cette maison qu'avec une certaine appréhension. « pensa-t-elle, « gare à moi s'il est fou furieux. J'aurais peut-être mieux fait d'aller voir le chapelier. »